Le Moulin Frappier par Henri Gréville. Première partie, chapitre 1er. Les deux cloches de l'église de Haville jetaient dans l'air ensoleillé de midi leurs derniers tintements inégaux, lorsque la quenelle, comme on l'appelait dans le pays, Victoire Bocquen, de son véritable nom, mit la clé dans la serrure de la porte au Moulin Frappier. Son homme venait à quelques pas derrière elle, traînant un peu la jambe par habitude de paysan accoutumé aux sabots et qui n'aime guère les souliers de cuir. Elle entra résolument, de l'air de quelqu'un qui connaît son affaire, et sans prendre le temps de s'asseoir ou seulement de respirer, elle alla à l'armoire pour y reprendre sa coiffe et son tablier de tous les jours. Bocquen, moins pressé de quitter ses habits du dimanche, se dirigea vers le fauteuil de paille à coussin de duvet qui trônait au coin de la cheminée et s'y laissa tomber d'un air dolent. Il n'aimait point les marches précipitées qu'on fait le long des grands chemins, au soleil, les bras ballants, pendant que les cloches sonnent l'évangile, ou quand la faim vous pousse à grands pas vers le logis pour le coup de midi. Ce qu'il aimait, c'était les courtes promenades dans les sentiers ombreux et humides, quand on s'en va défouillir des pommes de terre, à raison d'un boisseau par 5 heures de travail, ou bien examiner la luzerne, plus haute d'un bon doigt que la veille. Simon Bocquen n'était point de ceux qui redemandent du travail quand leur tâche est finie. Non, il aimait mieux se reposer, et n'est-ce pas bien naturel? Ce jour-là, estimant qu'avoir mis ses habits du dimanche pour aller à l'église bien qu'on fût en semaine, et avoir entendu la messe des morts pour le bout de l'an de son oncle Frappier, suffisait à une âme chrétienne, il s'assit au coin du foyer éteint, son bâton entre ses jambes, et fermait les yeux de satisfaction en pensant qu'il n'aurait plus rien à faire de toute la journée. « Eh bien, » grommela Victoire tout en se défaisant avec activité de ses beaux atours, « où donc est l'Amélie? Est-ce que le feu ne devrait pas être allumé, la soupe dessus, et depuis beau temps? Cette fainéante sera allée voir le service à l'église, comme si les boudelans étaient faits pour que les domestiques s'amusent. » L'Amélie rentrait en ce moment par la porte du jardin, toujours ouverte même quand les maîtres absents ont emporté la clé de la porte qui donne sur la rue. Une cruche de cuivre sur l'épaule, rouge, essoufflée, elle s'avança jusqu'au milieu de la salle, fit glisser adroitement le long de son bras la longe de cuir qui retenait la canne en équilibre, et la déposa sur le sol, sans que le lait écumant eût dépassé d'une goutte l'orifice rétréci du vase. « D'où viens-tu, coureuse ? » gronda Victoire. « Du champ, maîtresse. Les vaches étaient tout au bout à l'ombre. La pièce de terre est grande, ça va tout en montant, j'ai eu du mal à aller, je croyais ne pas revenir. » « C'est bon, fais la soupe et vite !» gronda la quenelle en renfermant son armoire avec bruit. Elle avait repris la petite coiffe courte en percale à 1000 plis que les femmes du pays portent à l'ordinaire, et pour marquer que le deuil était fini, elle l'épingla d'un ruban bleu foncé au lieu du ruban noir qu'elle avait porté 1 an. La jupe de droguet, propre mais usée, le juste de même étoffe, qui laissait voir sa chemise au cou et depuis l'épaule jusqu'au bas de la large manche de toile, le tablier de cotonnade à carreaux bleus et blancs. Tout son costume était celui d'une petite propriétaire de campagne. Rien n'y indiquait la richesse, ni même l'aisance. « Eh, Simon, vas-tu garder tout le jour tes habits du dimanche ?» Bocquen poussa un soupir, se leva, et monta l'escalier sans trop se presser, afin de reprendre ses vêtements qu'il avait laissés à la chambre. Pendant ce temps, l'Amélie activait le feu avec le souffle de sa poitrine robuste et le fagot d'ajon pétillait en dégageant une épaisse fumée aromatique. Le chaudron brillant de suie prit sa place à la crémaillère au-dessus du foyer et bientôt le dîner fut en bon chemin. Simon redescendit et s'assit à sa place sans mot dire. Il n'aimait pas à perdre ses paroles. La soupe faite, la maîtresse du logis tailla de minces tranches de pain dans 3 écuelles de terre et versa sur chacune sa part de légumes et de bouillon. « Et le garçon, tu n'y penses pas ?» dit enfin Simon qui la regardait faire. Victoire leva les épaules. « Il boit, il n'a que faire de manger. Si tu le vois revenir avant 6 heures du soir, c'est qu'il y aura du nouveau. » Elle parlait encore quand la porte s'ouvrit, laissant entrer dans la salle obscure un grand rayon de lumière. Debout, sur le seuil, un garçon de haute taille leva son chapeau qu'il remit sur le champ et dit « Bonjour mon père, bonjour ma mère. » Il entra, referma la porte, et toute la gaieté du jour disparut. « Te voilà, garçon, » dit Simon en regardant son fils avec complaisance. Une expression plus chaude traversa ses yeux bleus pendant qu'il les portait sur le beau gars. Qu'as-tu fait de tes invités ? Demanda la mère avec sa brusquerie ordinaire. Je leur ai payé à boire, et du meilleur, je les ai congédiés. Ils sont partis contents. Je croyais que la fête aurait duré plus longtemps, dit Victoire, en prélevant une part de soupe sur chaque écuelle afin d'en faire une pour son fils. On se lasse de boire et je n'aime pas le cabaret, répondit François d'un air sérieux. Simon Bocquen soupira encore une fois. De son temps, on ne connaissait point d'autre manière d'honorer les morts que de boire à leur santé jusqu'à rouler sous les tables. La mère hocha la tête d'un air prudent et offrit à son fils l'écuelle pleine. Chacun mangea sur ses genoux, silencieusement, avec de longues pauses. La petite servante mangeait aussi, assise auprès de la porte. « Tu n'aimes pas le cabaret ?» dit Victoire, après un long silence, pendant lequel le balancier de la grosse horloge marqua pesamment la fuite du temps. François ne répondit pas. « D'où vient donc que tu vas si souvent à Délas ? Je m'étais laissé dire que le cidre y est bon. »« Il n'est pas mauvais, » dit le jeune homme de sa voix grave. « Si tu ne bois pas, tu ferais mieux de rester par ici, » reprit la mère avec une pointe d'aigreur. « Au moins, on saurait où te trouver quand on a besoin de toi au moulin. » François rougit légèrement. Il regarda sa mère comme pour répondre, puis il baissa les yeux sur sa soupe et continua à manger lentement. La petite servante avait fini son repas. Elle mit en place son écuelle après l'avoir lavée, prit une fourche dans le cellier voisin, mit son grand chapeau de paille grossière, et s'en alla aux champs sans demander ni recevoir d'ordre. Elle connaissait son ouvrage et savait qu'il ne fallait pas ennuyer la quenelle de questions inutiles. « Tu ne fais pas de café, ma femme ?» demanda timidement Simon. « J'en fais, » répondit Victoire. « Il faut bien fêter un peu le jour où ce pauvre bonhomme frappier a laissé son bien en héritage à notre fils François, n'est-ce pas, garçon ?»« Comme vous voudrez, ma mère, » dit François sans se départir de sa gravité. Ses manières inaccoutumées inquiétaient Victoire. Au fond, elle avait un peu peur de son fils. De tout temps, le sérieux du jeune homme lui avait imposé. Mais depuis qu'un héritage inattendu avait fait de lui le propriétaire du moulin frappier, elle s'était prise d'une sorte de respect pour ce beau garçon. François s'était toujours montré bon fils, et le sort qu'il avait enrichi en passant par-dessus la tête de ses parents n'avait point changé son cœur. En prenant possession du moulin frappier, il y installa son père et sa mère. Victoire se trouva bientôt à l'aise dans cette opulence relative. Elle se mit à gronder et rudoyer les garçons du moulin, comme si elle n'eût fait autre chose de sa vie. François la laissa faire, estimant qu'elle lui épargnait ainsi quelques peines, et ensuite qu'on ne peut se refaire. Le naturel de Victoire étant de mener tout haut la main, mieux valait s'y soumettre que d'essayer de barrer le flot. Le café fuma dans les tasses, et une atmosphère de cordialité sembla se répandre dans la salle avec la vapeur embaumée de la cafetière. « Eh, fils, » dit Simon, « à présent que voilà ton deuil fini, me semble que tu pourrais songer à te marier. »« J'y songe, mon père, » répondit François. Il était devenu pâle, mais il regarda son père et sa mère d'un air assuré. « Vrai ? Tu as trouvé à qui parler ?» fit la mère anxieuse. « J'ai trouvé, ma mère. J'attendais ce jour du bout de l'an de mon regretté parent, qui, en me donnant son bien, m'a donné le moyen de me marier selon mon cœur. Dieu est son âme. » François leva son chapeau, Simon de même. Victoire fit un signe de croix à l'intention de l'âme du défunt, puis elle regarda son fils, toujours inquiète. « Selon ton cœur ? Tu aimes une fille riche, que tu n'aurais pas pu épouser quand nous étions sans fortune ? J'aime une fille qui n'a rien. Mon père et ma mère, je vous prie de me donner votre consentement pour me marier avec Geneviève Héroï. » « Geneviève ? La servante à Délas ? Ah, je comprends pourquoi tu y trouvais le cidre bon. » « Allons donc, mon gars, ne te moque pas de ton père et de ta mère, Geneviève. Eh bien, voilà une bru, par exemple. » Victoire, outrée, repoussa vivement sa tasse, au point de renverser quelques gouttes de café sur la table, et les essuya au coin de son tablier avec un air de mauvaise humeur. « Avez-vous quelque chose à dire contre elle ? » fit François avec douceur. Il avait prévu cet accueil à sa demande et savait qu'il lui faudrait supporter un orage. « Quelque chose ? Tout ? Une fille qui vient on ne sait pas d'où ? Ça n'a pas seulement de père. Sa mère n'a pour tout bien qu'une chèvre qu'elle mène paître dans les chemins. Geneviève, ma bru, en voilà une femme pour le meunier du moulin frappier. » « Je n'étais pas meunier quand je lui ai parlé pour la première fois, » dit François. « Nous étions presque aussi pauvres qu'elle, ma mère. Elle me plaisait dans ce temps-là, et je n'osais pas vous le dire. » car vous m'auriez reproché, avec quelque raison, de vouloir marier la disette avec la misère. Mais aujourd'hui que je suis riche, et que je puis prendre une femme sans m'inquiéter de la fortune, je me suis décidé à vous dire que c'est Geneviève que je veux, et pas une autre. Une servante d'auberge, une fille à qui tout le monde parle. Personne ne lui dit de bêtises, ma mère, elle ne le souffrirait pas. Une fille qui vient on ne sait d'où. On l'a assez reproché à sa mère, l'enfant n'est pas en cause, et Geneviève est une honnête fille. C'est très bon, elle t'a engelé. Veux-tu que je te dise? Je n'en veux pas. Et vous, mon père? Dit François sans s'émouvoir, mais devenant encore plus pâle. Vous ne dites rien. Est-ce que vous me refusez votre consentement? Et je ne sais pas. Ce sont des choses graves. Ta mère sait mieux que moi. Victoire était assise dans le coin d'un banc d'un air bourru et roulait le coin de son tablier, ce qui chez les femmes est signe d'humeur. La belle bru, la belle épousée, s'écria-t-elle. Une fille maigre comme un clou, avec des yeux comme des charbons et pas le sou. Elle est forte et courageuse au travail, fit observer François. Nous n'avons pas besoin de ça, on prend des servantes, gronda la mère. Ce que je voulais, moi, c'était une jolie fillette qui t'aurait apporté du bien. J'en ai pour deux, répondit le jeune homme. Est-ce qu'on en a jamais de trop? Riposta Victoire. Une bru qui nous aurait fait honneur, la fille du maire, par exemple, ou bien. C'est Geneviève que j'aime, dit François. Prrr. Ces filles-là, quand on les aime, on n'est pas tenu de les épouser. François avait pris le bras de sa mère et le serrait si fort qu'elle s'arrêta, sentant qu'un mot de plus amènerait une collision. Je l'aime et je veux l'épouser. Pas de mon consentement toujours, dit Victoire en fureur. C'est bien, ma mère, je m'en passerai. Mon père ne me refusera pas le sien. Il vous a aimé dans le temps, comme j'aime ma Geneviève. Vous n'aviez pas plus de bien qu'elle n'en a. Victoire, puisqu'il l'aime, dit le père, enhardi par ce discours.